les bords d'or. Des fois j'ai l'impression que je m'envoie dans un tourment. Ce monde est une folie, il est aussi un jeu d'apparence. D'espoir moi qui a pas de chance. Moi j'essaie de garder l'espérance qu'un jour ma vie arrête. Trop d'années de reculons. Je sais que ça paraît pas, mais fous-toi pas à ta mission. Ça font jamais, je trouve une solution. J'enfermé comme dans une prison, barré en dedans. Je me demande si un jour j'irai de l'avant. Briser les barreaux, tout ça fait du monde, c'est tiens. Parce qu'en t'es perdu, puis tu demandes si la vie vaut la peine d'être vécu. T'as l'impression tout le monde te marche dessus. Sauf que tu te sens comme une roche dans la rue. Comme la poussière, qu'on souffle dessus. Comme un atome qu'on voit tel un nu. Ne n'était point lié. On s'en suspend comme un déchet de la société. On se demande si mon monde a arrêté. Nous prendre pour une balle que tu peux frapper. Que tu peux frapper. Ne n'était point lié. On s'en suspend comme un déchet de la société. On se demande si mon monde a arrêté. Nous prendre pour une balle que tu peux frapper. Que tu peux frapper. Perdu dans ma propre tête. Je me demande si je suis un être qui vaut plus qu'un sentiment. Je commence à voir en que ça s'arrête. Quand je suis coin, moi dans le fond, genre de que le monde utilise pour voir à l'horizon. Des fois ça commence à s'en soumir à celle. On dirait je pense sur mon dos le mur de Chine. C'est un peu pourquoi je perds tout dans mon estime. Quand je regarde le reflet de moi-même, ça me donne la haine. Quand je me vois menotter à une grosse chaîne. Tu perds tu comme une petite fourmi qui cherche sa reine. Mais c'est tout dans l'ensemble que j'hallucine. Et dans la force terminale, mais je vais rester perdu dans ma boîte crâniale. Pour le bon, so fuck that shit. J'suis pas resté perdu. C'est un boss, fuck a roll.